Situation 2. C'est formidable. Page 31. Activité 1. Écoutez plusieurs fois le dialogue, puis dites si c'est vrai ou faux.